Érébinthe, comte de Chypre, par Grasset d'Orsay. Il était une fois un brave chamelier qui se nommait Charros et qui habitait le village de Paradiso, près de Famagouste. Il y a de beaux jardins de grenadiers à Paradiso, et quand la saison des grenades était venue, Charros en chargeait ses chameaux pour aller les vendre au pèlerinage ou aux fêtes des villages de l'Olympe, où il y a des vignes et point de grenadiers. Là, il prenait un chargement de vin goudronné ou de noix pour Paradiso, et quand il approchait de son village, comme il avait une belle voix bien sonore, il ne manquait jamais d'entonner la chanson du chamelier. « Ah, le pauvre chamelier ne sème ni ne moissonne !» Ah, car il n'a que son chameau et va de village en village. » Alors la belle Charroux, dont le père possédait le plus beau jardin de Paradiso, se trouvait toujours sur le seuil de sa porte pour lui dire « Bien arrivé, Charros, as-tu fait une bonne tournée ?»« Merci, Charroux, répondait le beau garçon. Je t'ai apporté du pèlerinage de la Panagia de Chico un beau collier de velours brodé de perles fines et une outre de bon vin résiné pour ton père. » Il aimait beaucoup le bon vin résiné, le père de Charroux, mais il aimait bien plus les beaux talaris à la reine dont le jeune chamelier rapportait toujours une belle bourse de cuir toute pleine. Si bien qu'à l'unique chameau qu'il avait acheté jadis avec de l'argent emprunté à un négociant franc de l'Arnaca, il avait fini par en ajouter une douzaine au grand complet. Et le pacha n'était pas son cousin lorsqu'en habit de fête il était assis sur la haute selle de bois de sa chamelle capitaine, dont la grosse cloche pendue au cou accompagnait en mesure la chanson de la Pafitissa. D'ailleurs, il n'avait pas son pareil pour la danse de la faucille, et quand il pirouettait comme un tourbillon en faisant le moulinet avec cet instrument champêtre aux manches garnies de bruyants grelots, on eût cru qu'il tenait un sabre de Damas, tant il s'en échappait d'éclairs. Aussi, lorsqu'il apporta un jour au père de Charroux un mouchoir rouge de Nicosie et une superbe paire de bottes de maroquin écarlate qu'elle devait porter à son mariage, le bonhomme lui dit « C'est très bien, mariez-vous. Tu as les chameaux, ma fille a de quoi les charger. Vous ne pouvez pas faire autrement que de prospérer. » Ce fut une belle noce que celle de Charros et de Charroux. Le papa s'y but plus que de raison. Le papa, le prêtre grec. Et Charros dansa le pas de la faucille comme jamais on ne l'avait dansé, pendant que Charroux, chaussé de ses belles bottes écarlates, la tête couverte de paillons, les yeux noircis de kohl, était assis immobile contre la muraille au fond d'une grande chambre transformée en sépulcre. Les mains sur les genoux, semblables à une morte, elle devait rester 3 jours sans faire un mouvement, entre 2 garçons d'honneur, tenant chacun un cierge de 6 livres. De temps en temps, une fille d'honneur lui essuyait le visage avec un mouchoir brodé d'or. Elle ne se dérangea que pour le bai de l'endroit et le négociant franc qui avait avancé à Charros l'argent de son premier chameau. C'étaient 2 seigneurs de bonne mine qui lui mirent chacun dans la main un beau double louis de France. Charroux baisa respectueusement la leur et ils le lui rendirent sur le front. Au bout de 3 jours, la joie fut finie pour les autres, la peine pour elle. Le dimanche, elle se mêla aux femmes mariées qu'on reconnaissait à leurs voiles et à leurs bottes rouges. Charros reprit ses tournées dans l'île, et tout aurait été pour le mieux s'il était venu des enfants. Les années se passèrent, les armoires se remplirent de beaux talaris et de toute espèce de hardes. À quoi bon si la maison restait vide? La pauvre Charroux, bien affligée, se décida à consulter une vieille papadia, femme de prêtre, qui était veuve et passait bien pour un peu sorcière. Elle lui mit un beau talari dans la main et lui conta son histoire. La vieille la regarda dans le blanc des yeux, hocha la tête et lui dit « Allez en pèlerinage à la Panagia de Chico, je vous réponds que vous aurez un enfant. Seulement, il ne sera pas plus gros qu'un Chico, noyau de cerise. » « Peu importe, pourvu que j'en ai un, » dit Charoux toute joyeuse, « fût-il pas plus gros qu'un pois chiche, je l'aimerais tout de même. » Elle alla donc à Chico, et elle crut que la vieille s'était moquée d'elle, car pendant un an, il n'y eut rien de changé à son état habituel. Néanmoins, le jour de Noël, elle fut prise d'épouvantables douleurs et accoucha d'un garçon qui était si petit, qu'on le baptisa Hérébinthe Pois Chiche. Sa mère lui fit un berceau d'une coquille de noix, et tout le monde le venait voir par curiosité, car dans sa petite taille, c'était bien l'enfant le plus joli, le plus hardi, le plus vif qu'il fût possible de voir. Il grandit à sa façon, bien entendu, c'est-à-dire qu'à 10 ans, il était gros comme un noyau de pêche, et naturellement, il ne pouvait pas faire les gros ouvrages. Mais il avait parfaitement appris à lire et à écrire en grec et en turc avec le papas et le kodja de Famagouste. À l'âge de 15 ans, c'était lui qui tenait tous les comptes de son père, devenu un riche négociant. Il avait un troupeau de 50 chameaux qu'il faisait mener par des serviteurs. Mais très souvent, c'était Hérébinthe en personne qui voulait conduire la caravane. Il montait agilement après le licou de la chamelle capitaine et allait s'installer dans son oreille, dont il se servait comme d'un porte-voix pour faire entendre ses ordres au chamelier. Il lui obéissait d'ailleurs comme s'il eût eu 6 pieds de haut, car jamais on n'avait vu de créature raisonnable plus avisée ni plus sensée. Il eut du reste l'occasion d'en donner une marque des plus éclatantes. Pendant que son père se trouvait à la marine pour les besoins de son commerce et que lui-même ramenait une caravane de Nicosie, sa mère disparut subitement et à leur retour, personne ne sut donner de ses nouvelles. Tout ce qu'on put leur dire, ce fut qu'on ne l'avait pas vue depuis 48 heures. Charos se désolait sans savoir quel parti prendre. Hérébinthe faisait moins de bruit et plus de besogne. Il alla d'abord à son parc aux chameaux et constata que 3 vieux mâles manquaient. Où étaient-ils? Pour le savoir, il enfourcha immédiatement sa chamelle capitaine et se fia à son instinct. En effet, celle-ci prit immédiatement son amble le plus allongé et, en moins d'une heure, elle le transporta sur la montagne dans un grand champ de caroubiers où il retrouva les 3 mâles. Ces horribles bêtes étaient en train de faire le siège d'un caroubier gigantesque sur lequel, depuis 48 heures, s'était réfugiée la pauvre Charoux. C'est qu'en temps ordinaire, le chameau est un animal si inoffensif qu'il se laisse conduire docilement par des enfants de 10 ans. Mais en hiver, les vieux mâles deviennent féroces. Ils se souviennent des coups et des injures qu'ils ont reçus patiemment le reste de l'année. Et bien que leur mâchoire inférieure soit la seule garnie de dents, leur force est telle qu'ils broient la tête des chameliers auxquels ils gardent rancune. Aussi, il ne se passe pas d'année sans qu'on entende parler de quelque accident de ce genre. Charoux avait voulu conduire ses mâles dans ce champ de caroubiers qui lui appartenait pour en rapporter des caroubes. Elle était montée sur l'un des arbres pour en ramasser. Mais lorsqu'elle avait voulu descendre, elle s'était trouvée bloquée par ses chameaux, et toujours l'un d'eux montait la garde au pied de l'arbre pendant que les autres paissaient. Heureusement, la pulpe sucrée des caroubes lui avait fourni de quoi ne pas mourir de faim, mais elle aurait succombé à la fatigue et à la soif si le petit Érébinthe n'avait pas eu le bon esprit de la retrouver. Sa voix, grossie par l'oreille de la chamelle capitaine, mit les mâles en fuite, et, l'ayant fait approcher de l'arbre, Charroux put sauter en selle. Puis elle reprit le chemin de la maison, escortée par les mâles qui se battaient et se mordaient, sans toutefois oser approcher, tant ils redoutaient la voix impérieuse d'Érébinthe. Quand elle fut bien en sûreté chez elle, Charroux prit son fils dans la paume de sa main et l'embrassa bien tendrement en lui disant « Oh mon enfant, tu es une bénédiction pour tes parents. Quel dommage qu'ayant le cœur et l'esprit d'un homme, tu n'en aies pas la taille, car on te ferait consul ou évêque pour le moins. On peut l'allonger, ton petit !» s'écria une voix cassée qui partait de la rue. Charroux courut à la porte et se trouva face à face avec la Papadia, plus vieille et plus décrépite que jamais. Mais elle conservait l'œil toujours vif sous ses sourcils gris en broussaille. « Oh !» lui dit-elle en prenant ses vieilles mains noires et osseuses, « si tu m'allongeais mon petit Kira Tossa, je te donnerais tout l'or de mon armoire. »« Je n'en veux pas tant, » répondit la vieille. Il ne me faut que le double louis de 48 livres qui t'a été donné à ton mariage par Hassan Bey. Tu le reconnaîtras facilement à ces 3 fleurs de lys. Rien de plus facile, car je l'ai mis à part, répliqua vivement Charroux. Mais au reste, entre, Kadjina, et viens le prendre toi-même. La vieille la suivit, et Charroux, ouvrant sa plus belle armoire de noyer de Venise, étala devant elle tout l'or qu'avait gagné son mari. La Papadia démêla promptement avec ses doigts crochus le double louis, qui était facilement reconnaissable à sa grandeur et à la couleur de son or jaune pâle. Elle le prit, traça une croix dessus avec un couteau, puis le rendit à la chamelière en lui disant « Va avec ton fils trouver la fille du pacha Emine Hanoum. Elle est fille de chrétienne, et chrétienne elle-même. Laisse-lui Érébinthe pour amuser le harem, cela l'enchantera. La première fois qu'il verra une fille abattre de la pâte avec un rouleau pour faire des calorguets, il n'aura qu'à lui demander de le passer sous son rouleau, et elle l'étendra ainsi de la grandeur qui lui conviendra. Car c'est une essence d'homme complète, ayant en elle tout ce qu'il faut pour faire un corps aussi parfait que l'âme que tu lui connais. Maintenant, tu en sais autant que moi. Adieu. Ne veux-tu plus de cet or ? Dit la mère. Je ne l'emporterai pas dans la tombe, répliqua la vieille. Le sort de ton fils n'est pas accompli, le mien l'est, et il n'y a rien à y changer. Après ces mots, elle disparut, et depuis, on ne l'a jamais revue. Charroux raconta à Érébinthe ce que lui avait dit la Papadia. Tous deux prirent leurs plus beaux habits, montèrent leurs plus beaux chameaux et allèrent retrouver Emine Hanoum qui les reçut à merveille. Le petit Érébinthe devint la coqueluche du harem et surtout celle de la fille du pacha qui lui disait souvent « Ah, mon gentil Érébinthe, si tu étais un homme, je te jure que je t'épouserais. » Érébinthe l'aimait beaucoup aussi et attendait impatiemment que quelqu'une des femmes du Konak songeât à faire des calorguets. Malheureusement, c'était un plat grec que personne ne connaissait dans le harem. Lassée d'attendre, Érébinthe prit un jour le parti d'en demander à la jeune Hanoum. Celle-ci ne savait pas les faire, mais sa nourrice savait comment s'y prendre. Et en effet, elle fut bientôt à la besogne avec son rouleau et sa farine. Mais elle était si vieille et si laide que la perspective de devenir un homme pour l'épouser ne tenta nullement Érébinthe. Heureusement, et Minet trouva les calorgues excellentes, si bien qu'elle demanda à apprendre elle-même à les faire. « Ma mère les fait admirablement, » dit alors Hérébinthe, « et je vais vous montrer comment elle s'y prend. Seulement, je ne veux pas qu'un autre que vous le sache. Renvoyez donc tout le monde. » La belle Éminée fit comme le désirait le nain. Dès qu'elle eut commencé à abattre sa pâte, le petit homme y jeta son double louis, puis, sautant sur la table, il s'y étendit et dit à la belle pâtissière « Passez sur moi votre rouleau, vous verrez une calorgue comme on n'en a jamais entendu parler. » Et Minet crut qu'il jouait, et, feignant d'entrer dans la plaisanterie, elle se mit à passer son rouleau sur le corps du petit homme, mais bien doucement pour ne pas lui faire de mal. Ô miracle ! Ses membres s'allongeaient et s'élargissaient sans se déformer, si bien qu'il la pria d'y aller un peu plus fort. Elle obéit, et en quelques instants, le petit nain fut transformé en un magnifique seigneur qui tomba à genoux devant la pâtissière et lui déclara que le destin la condamnait à l'épouser. « Mais bien volontiers, répondit-elle, seulement sortez par la porte dérobée et allez me demander à papa. » Fou de joie, Hérébinthe courut trouver son père et sa mère pour leur demander tout leur trésor. Ils les lui donnèrent de bien grand cœur pour épouser la fille du pacha. L'ex-nain, s'étant procuré un train magnifique, revint solennellement faire sa demande, qui fut immédiatement agréée. Il y eut de grandes fêtes à son mariage. Puis il partit pour Paris avec sa femme, et le roi, ayant appris son histoire, le nomma consul en Chine.